nice. Okay, sí. C'est quoi? T'es un marrant, toi. Arrête de faire la mafia, t'as le corps à mon petit retrait. RS5 pour faire la balade foncée, j'aime le piloter. On a laissé des balades sur des crânes, des balades sur des torses. Poto achète un gun sans pas les couilles de bouger le torse. On va tirer les veuges, on va t'apprendre à faire ta lienne. Boule à Z, dégradé, blanc, que des têtes d'aliens. Un jour ou l'autre on va se croiser, on verra qui est qui. Validé par SQ, il manque plus PDD. J'suis parano, c'est la base, j'ai un doute, j'envoie. Si tu veux faire fumer, je veux pas que ça soit devant moi. J'ai ma place dans l'équipe, me dirige vers le parking. C'est moi qui fais les plans, j'suis verbal kill. Et me t'as la santé, ça choque des cartes vitales. En bas des autoroutes, ça bloque des capitales. Une rafale sur les tiers, cadavres qui baignent dans le texte. 9, 3, blanc, coq, chouette, nigga, bang dans le check. J'suis un gars de chez toi et tu soutiens pas. Allez, suicide-toi, j'suis un gars de chez toi et tu soutiens pas. Allez, suicide-toi, je kick, j'encaisse la haine, c'est un marrant. Parle pas de tes avis, t'es un marrant. Sur ta mère, j'navigue, t'es un marrant. Bonhomme comme mon père, peuf, t'es un marrant. Cali dans le jean en ville, t'es un marrant. Mais les gangs gangsters, wesh, ouais, t'es un marrant. C'est pour mes beurre, barbare, marrant. Fils de j'reviens, bang, bang, t'es un marrant. Sur mes mains, j'ai encore la poudre à canon. Hors la loi, on respecte celle du talion. Glock dans le jean, bel écho daron dans le salon. Que du sale ici qui s'allonge, tire en l'air et tout le monde s'allonge. Nique la race humaine, je fais confiance qu'à mon pit. Arrête de faire du bruit si t'attends, j'ai le canon tire. J'rêve de Bahamas, de cocotier quand j'lève la tête. Caméra de Loki Loco, gros c'est mieux dans tête à tête. Criblé de balles dans les rues, plongé dans la rivière est sourd. T'as pris tellement de poudre dans le corps que la civière pèse lourd. Bah non, parle de personne, tu sombre sur le futur des gens. Fais bisous à ta femme, à ta fille, j'suis encore sur les champs. Voilà. Parle ou pas des risques de chute, sort. On nous s'est tapé contre des grosses, donc ça fiche de plus. On reste entre deux aides, on n'écoute pas tes sœurs. Net avant le R1, la R6 commence par un hornet. Je tire, j'encaisse la haine, c'est un marrant. Parle pas de tes avis, t'es un marrant. Sur ta mère, j'navigue, t'es un marrant. Bonhomme comme mon père, peuf, t'es un marrant. Calibre dans le jean en ville, t'es un marrant. Mais les gangs gangsters, wesh, ouais, t'es un marrant. C'est pour mes beurre, barbare, marrant. Fils de j'reviens, bang, bang, t'es un marrant. T'es un marrant. Je le viscère, mec dépiné en France, on se croise au contre judiciaire. Mais les 15 piges, m'en huche, t'es un marrant. Mais les 15 piges, m'en huche, t'es un marrant. On a connu la crise, allez boire ta carte grise. Classe A en espèce avec du scooper de 10. Mais les 15 piges, m'en peuf, t'es un marrant. Mais les 15 piges, m'en peuf, t'es un marrant. Je le viscère, mec dépiné en France, on se croise au contre judiciaire. Mais les 15 piges, m'en huche, t'es un marrant. Mais les 15 piges, m'en huche, t'es un marrant. On a connu la crise, allez boire ta carte grise. Classe A en espèce avec petite coupure de 10. Mais les 15 piges, m'en peuf, t'es un marrant. Mais les 15 piges, m'en peuf, t'es un marrant. Je suis un gars de chez toi et tu soutiens pas. Allez, suicide-toi, je suis un gars de chez toi et tu soutiens pas. Allez, suicide-toi, je kick, j'encaisse.